Je termine par des questions parce que je n'ai pas de réponses. Y a-t-il une différence entre les questions et les réponses? Les interrogations d'Hamlet sont-elles sa gloire ou sa tragédie? Pourquoi vas-tu au théâtre? Est-il important d'aller au théâtre? Est-il important de lire? Les gens qui vont au théâtre sont-ils différents des gens qui n'y vont pas? Que t'arrive-t-il si tu vas au théâtre? Quand tu quittes le théâtre, as-tu changé? Bien sûr que par la marche du temps, tu es naturellement différent dans l'espace de 3 heures, mais je veux dire, as-tu changé réellement? Veux-tu changer réellement? Es-tu satisfait? Est-il bon de changer? De quoi suis-je en train de parler? Vas-tu au théâtre pour y trouver des réponses? As-tu des questions à poser? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe au théâtre? As-tu au théâtre pour y découvrir la vie? Est-il plus facile d'observer la vie au théâtre ou dans la rue? As-tu rencontré la joie au théâtre? As-tu rencontré la joie dans la rue? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Vas-tu au théâtre pour te stimuler intellectuellement? Vas-tu au théâtre pour déchiffrer le déroulement de l'action? Vas-tu au théâtre parce que tu pourrais y découvrir la vérité? Y a-t-il quelque chose qui soit la vérité? Les journaux disent-ils la vérité? Les auteurs disent-ils la vérité? Les journaux mentent-ils? Les auteurs mentent-ils? Les acteurs mentent-ils? Les auteurs ou les journaux ou les acteurs mentent-ils délibérément? Vas-tu au théâtre pour voir comment un acteur peut entrer dans la peau de son personnage? Penses-tu que les acteurs peuvent atteindre l'état de perfection? Qu'est-ce que la perfection? Un acteur peut-il te la communiquer? Un acteur peut-il te donner l'image de la perfection seulement en jouant Hamlet? Qu'est-ce que la vue intérieure? Que sers-tu de ta vue intérieure? Est-il facile de poser des questions? Vas-tu au théâtre dans l'expectative et dans l'espoir? Le théâtre est-il un chemin pour apprendre ce que tu ne sais pas? À quoi sert d'apprendre? Es-tu sûr de toutes les réponses? Est-ce que tout se vaut? Penses-tu qu'un acteur ment? Mentir a-t-il de l'importance? Penses-tu qu'il faille mentir pour vivre dans ce monde? Te plaît-il que je repose la question? Est-ce que tu sais aimer? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es aimé? Est-ce que tu sais haïr? Est-ce que tu es? Pourquoi ai-je choisi de faire un théâtre qui dérange plutôt qu'un théâtre agréable alors que j'aime faire plaisir aux gens? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Gauguin. Qui sont les rois aux yeux de diamant, fauchant et grimaçant parmi nos propres ombres? Par cœur. Quelle est la question, Shakespeare? Sais-tu que je ne sais pas quoi faire d'autre que du théâtre? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qu'une bonne question? Comment trouver les réponses? Quel est le chemin? Quel est le rapport entre l'acteur et le spectateur? Avons-nous le temps de nous poser toutes les questions? Comment faire un théâtre qui soit à la hauteur de la vie de ses spectateurs? Comment faire un théâtre quand nous ne connaissons aucune réponse, quand nous avons seulement quelques vagues idées de comment poser la question? Je termine avec des questions parce que je n'ai pas de réponse. Mais ce que je veux, ce sont des réponses. Je termine par des questions parce que je ne veux pas de réponse. Y a-t-il une différence entre les questions et les réponses? Les interrogations d'Hamlet sont-elles sa gloire ou sa tragédie? Pourquoi vas-tu au théâtre? Est-il important d'aller au théâtre? Est-il important de lire? Es-tu satisfait? Est-il bon de changer? Y a-t-il quelque chose qui soit la vérité? Les journaux disent-ils la vérité? Les auteurs disent-ils la vérité? Les journaux mentent-ils? Les auteurs mentent-ils? Les acteurs mentent-ils? Les auteurs ou les journaux ou les acteurs mentent-ils délibérément? Vas-tu au théâtre pour voir comment un acteur peut entrer dans la peau de son personnage? Penses-tu que les acteurs peuvent atteindre l'état de perfection? Qu'est-ce que la perfection? Un acteur peut-il te la communiquer? Un acteur peut-il te donner l'image de la perfection seulement en jouant Hamlet? Qu'est-ce que la vue intérieure? Te sers-tu de ta vue intérieure? Est-il facile de poser des questions? Vas-tu au théâtre dans l'expectative et dans l'espoir? Le théâtre est-il un chemin pour apprendre ce que tu ne sais pas? À quoi sert d'apprendre? Es-tu sûr de toutes les réponses? Est-ce que tout se vaut? Penses-tu qu'un acteur ment? Mentir a-t-il de l'importance? Penses-tu qu'il faille mentir pour vivre dans ce monde? Te plaît-il que je repose la question? Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, lorsqu'un juriste a affaire à un jeu d'acteur, il lui vient à l'esprit cette phrase d'un grand penseur du droit du milieu du 19e siècle, Savigny. Savigny écrivait que le droit élabore des fictions pour ne pas accepter des notions en contradiction avec ses propres règles fondamentales. Et par ce moyen, le droit courbe les faits sous sa règle au lieu de se courber devant les faits. Alors il faut bien avouer que le droit, comme tous les systèmes normatifs d'ailleurs, est une théâtralisation du monde. Pierre Legendre, un penseur contemporain du droit cette fois, explique que le problème de l'organisation normative suppose, comme on suppose un axiome en mathématiques, que le problème de l'organisation normative suppose une mise en scène pour instituer la réponse à la question « pourquoi ?» pour instituer la réponse à la question « pourquoi ?» adressée au juge, adressée au pouvoir politique, adressée au juriste. Tout cela, ajoute-t-il, est une vaste entreprise théâtrale. Autrement dit, l'ordonnancement juridique n'a pas de légitimité sans métaphore, sans montage de fiction, comme décider par exemple qu'une entreprise est une personne morale, qu'elle a une personnalité juridique, ou encore que les parties à un contrat sont égaux en droit. Toutes ces fictions juridiques permettent de jouer un rôle social. Et si l'on tient pour secondaire, comme on le fait très souvent aujourd'hui, si l'on tient pour secondaire ou si l'on refuse de reconnaître cette dimension du système normatif, on ne comprend pas la genèse des normes, pas plus qu'on ne saisit les manœuvres du pouvoir, parce que ces manœuvres du pouvoir sont avant tout la manœuvre des images et que finalement le droit est lié au pouvoir par cette articulation des images. Sans le déploiement de l'artificialité, le droit serait impensable, parce que le droit c'est bien autre chose qu'un simple procédé de régulation. Il ne se réduit pas à une simple technique de conduite par les textes, comme le ressassent les théories gestionnaires aujourd'hui ou certains discours politiques. L'ensemble du droit paraît un théâtre de vérité et de justice, selon la belle expression de Jean-Baptiste Lucas, un penseur du droit du XVIIIe siècle. Alors la question du « comme si », la question du « on fait comme si » est centrale en droit dans la mesure où elle est essentielle aux élaborations juridiques. Il faut donc se ranger derrière Michel Foucault pour dire qu'il y aurait une nécessité, que pour ma part je qualifierais de démocratique, une nécessité donc démocratique, d'apporter une histoire de la vérité qui serait couplée dès l'origine avec une histoire du droit. Cette proposition consiste à analyser un certain droit de la vérité à partir d'une situation de droit. Illustrons le propos. Les questions posées aux criminels, auparavant et aujourd'hui, montre que la fonction juridictionnelle du pénal, que la vérité judiciaire s'est modifiée. Pendant longtemps, la pratique pénale s'en tient à la question posée au criminel, la suivante, qu'as-tu fait ? Plus récemment, elle a doublé cette question initiale par celle, qui es-tu ? Autant dire que l'exercice moderne de la justice, dans ce cadre répressif, ne se résume plus à rétablir les faits et à établir la responsabilité de leur auteur. La justice ne se rend désormais qu'armée de vérités psychologiques, d'histoire familiale, de parcours personnel. Tout cela, d'ailleurs, renvoie aux procédures juridiques de construction de la vérité, telles que le droit romain jadis l'a définie, telles que le droit contemporain en use aujourd'hui, comme par exemple, et chacun connaît cela, le régime de la démonstration de la preuve. On a affaire ici, en quelque sorte, à un droit du dernier mot. Res judicata pro veritate accipitur, dit le droit romain, ou la chose jugée comme présomption légale, ou encore la chose jugée à la place de la vérité, précisément ce qui a été décidé en justice à force de vérité pour tous, pour la société, mais pas nécessairement pour celui qui est accusé, pas nécessairement pour celui qui est victime, qui, condamné ou victime, est abandonné à sa solitude. Le droit est donc un art et non pas une science. Un art de la théâtralité, un art des images. Un art situé entre le monde des faits et celui des valeurs, entre le l'être et le devoir-être. Mais il faut retenir que les fictions juridiques ne sont pas des fictions romanesques, elles ne sont soutenables qu'à la condition d'être vivables. Qui est là ? Qui est-ce ? Paul ! Excusez-moi ! De rien. Je vous ai fait peur. Ma foi, nous sommes tous les deux en avance. On dirait. Mais pas tellement. Cigarette ? Il fait presque jour. Vous n'arrivez pas à dormir, et vous ? Je manque d'habitude pour ce genre d'occasion. Je ne suis pas comme de Chanan, lui a dormi sans inquiétude, j'en suis sûr. En ce moment, son ordonnance doit le réveiller. Il a donné un soufflet au champagne chez Anna. Qui avait-il invité ? À peu près la moitié de la garnison. Vous en êtes-il ? Je suis votre témoin. C'est ce qui l'a empêché de vous inviter ? C'est ce qui m'aurait empêché d'accepter. Il y est probablement resté le dernier. Peut-être même une de ces putains de turcs était mis par terre. Peut-être. La colonne vertébrale rompue entre la cuisse, éclatée d'un bout à l'autre. Non, vous avez sûrement raison. Il a du succès. Oui, mais on ne l'aime pas. C'est un bon officier dans son genre. Oh, c'est un gentleman, déjà chef de batterie à l'âge considérable de 21 ans. Mais il n'est pas moitié aussi bon soldat que nous. Vous croyez ? Et cependant, il a déjà un pied à l'école de guerre. Ah, bien sûr, à sa place et avec sa chance, vous y seriez déjà entré et même sorti. Aujourd'hui, vous seriez commandant. Désolé, je ne voulais pas vous rappeler ce petit fait gênant. Louis-Maxime de Chanot. Il fait froid ? La fumée d'une cigarette réchauffe. Comment vous sentez-vous ? Glacé. Buvez. Bonsoir, les deux. Je suis désolée, je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Mais si cela ne te fait rien, Bonne nuit, Dieu, et merci. T'en vas pas. Puis ton champagne. Tu aimes les enfants? Oui, pourquoi? Tu n'aimerais pas en avoir? Si, beaucoup. Et toi? Moi aussi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Pour cela, j'aimerais bien être aimée, si c'était possible. Oh, tu sais, l'amour est toujours assez difficile à obtenir. Ou à éprouver. Tu crois? Bien sûr. Et puis, il y a toujours trop d'enfants qui viennent au monde. C'est peut-être à cause de cela que tu es dans l'armée. Qu'est-ce qui te prend? Je suis dans l'armée parce que cela me convient et que je lui conviens. Parce que je suis capable de faire mon propre avis et à ma manière. Qui est là dans cette autre pièce? Paul, tu veux aller le voir? Non, je t'ai posé une question et c'est tout. Quel Paul? Celui à qui tu parlais pendant que j'étais avec le lieutenant. Un garçon brillant. Lui? Ou l'homme qui est avec lui? Oublie mes questions. Oublie tout, reste avec moi. Ne parlons plus, je m'occuperai de toi, je te protégerai. Je te défendrai. Je t'aime. Je suis assez grand pour me défendre seul. Non, tu ne peux pas toujours. Il vaut mieux que je m'en aille. Pourquoi n'as-tu pas confiance en moi? Je ne peux pas rester ici. Tu ne t'es jamais confié à quelqu'un? Non. Personne ne t'a jamais écouté? Un autre homme? Je sais que l'amitié tient une grande place pour toi, Thomas par exemple. Non, j'ai essayé une fois de lui parler un soir. Il n'aime pas les confidences. Il ne les encourage pas, il ne saurait pas quoi en faire. Alors, quelqu'un d'autre? Ta mère? Quelqu'un de ta famille? Oui, j'aurais pu, cela ne s'est pas fait. Pourquoi ne parles-tu jamais? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai prévenu! Quoi que tu veuilles, je ne pourrai pas te le donner, je ne peux pas, je ne veux pas! Tu pensais que c'était les putains qu'on n'embrassait pas et qu'on ne parlait pas? Si tu me quittes, tu seras tout seul! C'est exactement ce que je veux, être seul! Pourquoi n'as-tu pas laissé l'électricité allumée? Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Paul! Oui! Dis-moi pourquoi! Je le sais pas, je préfère le noir! Mais pourquoi, mon chéri? J'aime te voir! C'est à cause de moi? Non, non, pas du tout! Pourquoi te rabilles-tu? Il faut bien que je rentre à la caserne, non? Quelle est ton unité? J'aimerais bien le savoir, hein. Alors je pourrais le découvrir comme je veux. Il est un agent général et tout le reste. Paul, qu'est-ce qui se passe? Que t'ai-je fait? Pourquoi ouvres-tu la porte? Que fais-tu? Ne t'inquiète pas trop, mon joli, il faudra bien que tu t'y habitues. Est-il exact que le colonel Riddle ait été par ses contacts officiels en possession d'éléments confidentiels sur la sécurité militaire et politique de notre pays, et ce pendant plusieurs années? Est-il exact aussi que les informations qu'il possédait concernaient la protection de nos frontières et les secrets de notre armement? Il est impossible que personne ne les surveille ou tout au moins soupçonné. Nous sommes dans un sommeil dangereux, messieurs, il faut nous réveiller. Que risquons-nous maintenant? Cet officier n'était-il pas le fils d'une certaine Mark Stein, juive galicienne? Pourquoi n'a-t-on pas révélé ce fait? Le crime de haute trahison dont le colonel Riddle de l'état-major général s'est rendu coupable pendant des années dans l'impunité la plus complète, crée dans la nation tout entière une inquiétude grave qui va augmentant. Le crime commis par cet officier est abominable, mais il faut regarder plus haut et condamner l'attitude du commandement de notre corps d'officiers de l'armée impériale et royale dans cette affaire. Que comptez-vous faire? Quelles mesures prenez-vous? D'abord, ne pas alarmer le pays plus qu'il n'est nécessaire. La nation tout entière reconnaît l'importance du crime commis par le colonel Riddle contre son pays et l'uniforme qu'il portait. Cependant, la seule protection de l'honneur de notre corps d'officier est l'observation de principes rigides. Si des individus agissent contre l'honneur de cette classe, une enquête impitoyable châtiera les coupables qui connaîtront, je vous l'affirme, toutes les rigueurs de la loi. Ce rapport entre droit et vérité que nous explorons, ce rapport entre droit et vérité se loge dans le discours, dans les textes où se formule le droit. Ce rapport entre droit et vérité se loge dans la loi, dans le règlement, dans la sentence où se déclare ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour peu qu'on s'y attarde, le droit et ses énoncés développent les conditions de la mise au jour des vérités d'une époque. Ils sont un type de formulation de certaines règles de vérification, de certaines règles de falsification. Lorsque Sagredo, dans la vie de Galilée de Bertolt Brecht, qui sera donnée en représentation d'ici quelques semaines ici au Quai, lorsque Sagredo donc tremble à l'idée que les astres qu'il a vus dans la lunette télescopique de son ami Galilée puissent être la vérité, Galilée lui rétorque qu'on ne le mettra pas sur le bûcher de l'Inquisition, lui, Galilée, parce qu'il peut prouver que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Il peut prouver que Dieu n'est pas en haut, mais en nous et nulle part. Alors la justice papale ne va pas le brûler, mais le droit canon interdira l'utilisation de la lunette télescopique. Alors cela amène à se demander si le réel pur existe, ou s'il n'existe que parce qu'il est interprété, extirpé du désordre des événements et du monde. Ce réel serait parce qu'il est mis en sens et transcrit dans un récit ou formalisé dans une règle de droit. Si la réalité existe pour nous tous, peut-être en elle-même, peut-être par elle-même, elle n'accède à la conscience que par le repérage, que par l'identification que la conscience en fait. Il faut donc l'identification de la réalité, puis sa formulation pour établir sa vérité, la véridicité. Bref, nous devons toujours appliquer un jugement de validité, un jugement de vérité à toute énonciation qui prétend décrire la réalité telle qu'elle est. On a à l'esprit cet aphorisme bien connu de Nietzsche qui dit « Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations ». En droit, on dira que l'interprétation, comme au théâtre, n'est pas un acte de connaissance, mais un acte de volonté. Au passage, chacun aura remarqué que l'aphorisme de Nietzsche « Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations » est lui-même soumis à interprétation. Alors Foucault ne partage pas complètement cette analyse, il la trouve insuffisante. Il expliquait que ce qui permet de rendre intelligible le réel, c'est de montrer qu'il a été possible. Dans ses leçons au Collège de France, il découvre la nécessité d'aborder une histoire de la vérité qui serait couplée avec une histoire du droit. Cela révélerait, selon lui, ce qu'il qualifie comme étant un régime véridictionnel d'une époque. Il s'agit d'une analyse de la constitution d'un certain droit de la vérité à partir d'une situation de droit, comme par exemple le procès papal de Galilée. Le rapport entre droit et vérité trouve sa manifestation privilégiée dans le discours, cela a été dit, le discours où se formule le droit, où se formule ce qui peut être vrai et ce qui peut être faux. Le régime de véridiction n'est donc pas une certaine loi de la vérité, mais l'ensemble des règles et des conditions culturelles, par exemple, de leur fabrication, qui permettent à propos d'un discours donné de fixer quels sont les énoncés qui pourront être caractérisés comme vrais ou faux. Le droit et ses énoncés développent donc la véridiction d'une époque. Ils sont un type de formulation, encore une fois, de certaines règles de vérification et de falsification, pour le pire parfois. Pour le pire, lorsque le droit martyrise la personnalité juridique des individus, la personnalité juridique des citoyens. Rappelons-nous, dans un état de droit occidental, chaque individu, chaque être humain est une personne juridique. La personnalité juridique dont nous sommes tous dotés n'est pas un fait de nature, mais elle est une certaine représentation de l'humain qui en fait une unité sans qu'il faille distinguer chez cet humain ses caractéristiques, son histoire, son ethnie et bien d'autres choses encore. D'où cette question. Existe-t-on sans la personnalité juridique? Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, écrit, et la phrase est bien connue, « Le premier pas essentiel sur la route qui mène à la domination totale consiste à tuer en l'homme la personne juridique. » Les juristes du nazisme, comme Carl Schmitt, le savaient parfaitement. Ils ont donc proposé et obtenu d'enlever la personnalité juridique aux juifs, aux tziganes, aux homosexuels. Ces humains-là deviennent à ce moment-là des unités de compte, des marchandises sans droit, dotées uniquement de suggestions, celles de mourir le plus souvent. C'est la raison pour laquelle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des textes internationaux importants on garantit la personnalité juridique de tout humain et en tout lieu. L'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose « Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. » Cela fait une éternité que je marche à travers les courbes et lacets de la forêt, qu'est-ce que je ne trouve pas ? Des nains. On dit qu'ils nous ressemblent dans leur bonhomie, mais pas dans leurs traits. Vous, monsieur, en revanche, avez l'air de quelqu'un qui me ressemble dans les traits, mais qui est plutôt un méchant bonhomme. Peut-être à cause de la responsabilité que vous endossez ? C'est certainement beaucoup de travail de décimer ce qui existe et d'ajuster ce qui est juste. Moi, je suis plutôt compétente en matière de légèreté. Longtemps, j'ai remporté beaucoup de succès grâce à mon apparence, mais ayant ensuite cherché ardemment un plus grand succès, je suis tombée dans le trou de ma belle-mère qui m'a saisie par le côté où je m'y attendais pas et m'a empoisonnée peu après avec un fruit. Telle ne fut pas prise celle qui croyait prendre une autre. Depuis, je suis une chercheuse de vérité et en affaires de langue également. Apparemment, tout cela intéresse énormément la foule puisque mon histoire existe depuis des siècles. Aucune idée de ce qui peut être drôle ou passionnant là-dedans. C'est comme si je devais sans cesse me ramasser puis retomber d'une main de femme. Une charmante exception. Ce que la mort n'est pas. Elle vient toujours, le plus souvent sous les traits d'un homme, mais en vérité, elle n'en est pas un. Elle nous guette, vient à contre-temps, et plus précisément, lorsque nous avons du succès, comme c'est mon cas. Elle ne s'en réjouit pas et nous fait quitter le terrain sans même nous apaiser. Je vais vous dire une chose. Votre beauté ne vaut pas grand-chose. Une fois par semaine, il y a un entraînement de patinage en couple sur le lac gelé. Beauté et vérité y participent et peuvent ainsi mieux faire connaissance. Serez-vous de la partie, mademoiselle ? Peut-être même allez-vous préférer la vérité à la beauté ? Ce serait l'occasion de vous changer les idées. D'un autre côté, à y bien réfléchir, 7 personnes pour incarner la vérité ne seraient pas si mal, car elle est tellement petite qu'elle devrait peut-être se démultiplier pour pouvoir être, une fois seulement, perceptible et véridictible. D'ailleurs, vous, mademoiselle, vous vous méprenez si vous croyez me voir. Je suis invisible. Je suis la mort. Un point, c'est tout. La mort comme vérité et ultimatum. Croyez-vous que s'il était possible de voir la mort, n'importe qui la fréquenterait ? Eh bien, vous voyez. Je ne pourrais pas affirmer pour autant avoir envie de côtoyer la vérité. Non, ça vraiment pas. Pour la vérité, tout est sans importance sauf elle-même. Ah, la vie devrait être contemplée et admirée de toutes parts, vous ne pensez pas ? Au fond, elle est belle. Même de petits détails ne devraient jamais nous paraître trop petits. Si je ne trouve pas les petites choses que je cherche, je pourrais aussi me tourner vers les grandes que vous prétendez incarner. Qu'y a-t-il de plus grand que la mort qui ne nous est pas fondamentalement bénéfique mais qui nous crée grand dommage ? Même si elle est aussi bonne qu'une pomme Granny Smith. Je suis restée si longtemps inconsciente de ce que ma belle-mère, pour sa part, a considéré comme une mort et une impuissance. Mais elle s'est trompée. Cette gonzesse, loin d'être aussi chic que moi, mais de loin plus âgée que moi, ce qui l'emmerde certainement jusque dans ses rêves, ose rappliquer pour tenter de me dépouiller pour de bon de ma nature. Elle croit que la mort passe alors de son côté parce qu'elle s'ennuie trop dans une morte. Elle essaie vraiment de me faire tomber des mains les instruments de mon pouvoir à l'aide d'une simple pomme. Une pomme contre des pommettes. Alors si un juriste prend la peine de repérer la théâtralité du droit, Il ne peut être que captivé par l'art, capturé peut-être. Aragon parlait du mentir vrai de l'artiste qui conçoit une fiction qui peut supporter une vérité plus proche du réel que la simple reproduction du réel sur une scène, que la simple reproduction du réel sur un tableau, par exemple. L'artiste s'écarterait du réel, parfois pour mieux rendre compte de la réalité sociale, de cette réalité de rapports humains. L'art n'est donc pas, de ce point de vue, une vérité alternative, comme on dirait aujourd'hui, mais l'art est une proposition de monde, pour le dire comme Paul Ricoeur. L'art n'est jamais une vérité alternative qui se substitue au réel. Peut-être est-ce la vérité qui passe par une théâtralisation du monde, comme le droit est une certaine théâtralité de la vérité d'une époque. Alors le rôle du chercheur en droit en particulier est en particulier l'art de rapporter les textes à leur contexte en regard de l'expérience humaine. Or les humains pensent, et oui, ils ne se bornent pas à calculer comme aujourd'hui l'économisme ambiant cherche à l'imposer. Ils continuent à se projeter dans l'avenir, à projeter devant eux les images d'autres mondes possibles. Alain Supiot, professeur de droit au Collège de France, explique que le droit est précisément l'un des lieux où s'inscrivent ces images. C'est pourquoi l'étude du droit est un moyen de savoir à quoi rêvent les hommes à un moment donné. On pourrait ajouter que les rêves des uns, évidemment, peuvent être les cauchemars des autres. Cependant, un droit démocratique impose des rêves. Il impose des rêves comme la liberté de chacun. Il impose des rêves comme l'égalité de tous. Mais ce droit démocratique laisse la place à côté des rêves et pour le reste à la délibération, à la négociation des buts à poursuivre. Alors ce droit démocratique, c'est-à-dire formellement mis au point selon les procédures de la démocratie, porte des rêves. Mais ces rêves se fragilisent, se déstabilisent. L'État, jusqu'il y a peu de temps, faisait tenir debout le pouvoir. Il faisait tenir debout le pouvoir au nom de la nation, au nom du peuple, au nom de la République. Ces grandes fictions-vérités y parviennent de moins en moins, on en a tous l'intuition. Mais ce droit démocratique est aussi une manière qu'ont la délibération, la négociation de donner de l'épaisseur à ces grandes fictions-vérités. Mais là encore, rabattre la politique à l'action simplement gestionnaire conduit à chercher à se passer du politique le plus souvent possible, notamment dans le champ économique. Par exemple, mettre en œuvre le traité de Maastricht malgré tout, malgré les expressions électorales. Il demeure que le droit reste un terrain du doute, où l'on sait devoir ne jamais trouver qu'une représentation approximative d'une vérité humaine pour toujours insaisissable. Mais le droit est le terrain du doute méthodique, en ce sens que ses propres hésitations ne sont pas paralysantes, mais agissantes. C'est le volet technique du droit. Ce principe d'incertitude explique qu'en droit, les règles de procédure sont souvent plus importantes que les règles de fond. La procédure ouvre le champ des arrangements, elle ouvre le champ des initiatives individuelles. Cependant, on oublie trop souvent que la technique juridique n'est pas neutre. Comme n'importe quelle technique, elle n'a de sens que rapportée au but, que rapportée aux fins qui ont guidé cette conception. Le droit n'est toutefois pas une technique comme les autres, dans la mesure où il lui revient, pour peu qu'on le veuille, de rendre la technique humaine. Pour peu qu'on le veuille, signifie qu'il serait nécessaire, peut-être aujourd'hui, de recréer la conflictualité positive, de recréer le débat contradictoire et apaisé avec en fond de tableau cette idée que la démocratie est un consensus sur nos dissensus. Alors, comme nous sommes mortels, le propre de la vie humaine est de lui donner un sens, lors même qu'elle n'a aucun sens démontrable. Le droit y contribue, pour sa part. Romain Gary posait la question suivante dans l'un de ses merveilleux romans. Faut-il vraiment que nous vivions pour rien, pour en être réduits à mourir pour quelque chose? À mourir pour la démocratie et son droit, en particulier, pourrait-on modestement ajouter. Et parfois, je me sens impuissant, inutile, dans l'incapacité de tout. Être aveugle et sourd, et immobile, encore, silencieux de ma propre imbécilité, attendre et subir mon impuissance. Être immobile dans l'incapacité de prendre la parole de prolonger le discours, de répondre, de dire deux ou trois choses imaginées dans la solitude et qu'on pensait essentielles. Et parfois, je me sens inutile devant le monde. Ce que dit la rumeur, l'arrogance omniprésente de la rumeur, ne pas le comprendre, ne pas le comprendre ou ne pas l'admettre, l'imaginer autrement, savoir qu'on doit, qu'il est de mon devoir se dire ces mots-là, le devoir. Savoir qu'il est de mon devoir de le dire d'une autre manière et ne cesser pourtant de buter contre ses reflets. Les gens, tels qu'on les voit ou tels qu'on les imagine, ne pas savoir les montrer et ne pas même savoir les regarder, voir leur secret entrevue sans jamais rien pouvoir en faire, voir s'échapper l'évidence de la personne. Être fragile et désemparé devant les bruits de la guerre. Les bruits avant-coureurs de la guerre. Les bruits effrayants et si proches de la guerre. Les entendre. Croire les entendre. Et ne pas savoir les traduire. Les prendre, les donner. En rendre l'exact. Incertitude. Être là, incapable de dire la vérité. La force terrible du pouvoir. Sa puissance cynique. Son arrogance. Son ricanement. Et la séduction tranquille dont il nous écrase. Ne pas réussir à la dire, l'écrire. En montrer la simple et sourde violence et tenter pourtant de saisir tout cela, de lutter contre mon inadmissible désir de renoncement, mon égoïsme, ma complaisance pour ma propre histoire, contre le confort désinvolte qui me guette, l'abandon, parfois, à la bonne conscience. Dans ma propre impuissance, dans mon désarroi, chercher à me rassurer moi-même et aller résister, aller au-devant des autres désarrois, plus grands encore, plus douloureux, plus secrets, interdits, sans le droit à la parole. Prétendre à sa petite mission, l'exercice de ses droits, avoir un devoir. Jouer son rôle, se l'accorder, être là, être au milieu des autres, avoir le droit immense de pouvoir parler, être responsable de cet orgueil, être conscient de ma force, ne pas craindre mon propre déséquilibre et mes hésitations. Raconter le monde. Raconter le monde. Ma part misérable et infime. Ma part misérable et infime du monde. La part qui me revient. La part qui me revient. L'écrire. L'écrire. La mettre en scène. La mettre en scène. En construire à peine. En construire à peine. Une fois encore. Une fois encore. L'éclair. L'éclair. La dureté. La dureté. En dire. En dire. Avec l'évidence. Avec l'évidence. Et lucidité. Et lucidité. Montrer sur le théâtre, sur le théâtre, la force exacte, la force exacte qui nous saisit, qui nous parfois, saisit parfois. Cela, cela, exactement cela. Cela, les hommes et les femmes tels qu'ils sont, la beauté et l'horreur de leurs échanges et la mélancolie aussitôt qui les prend lorsque cette beauté et cette horreur se perdent, s'enfuient, cherchent à se détruire elles-mêmes, effrayées de leurs propres démons. Dire aux autres. Dire aux autres. S'avancer dans la lumière. S'avancer dans la lumière. Et dire aux autres. Et dire aux autres. Une fois encore. Une fois encore. La grâce suspendue de la rencontre. La grâce suspendue de la rencontre. L'arrêt entre deux êtres. L'arrêt entre deux êtres. L'instant exact de l'amour. L'instant exact de l'amour. La douceur infinie de l'apaisement. La douceur infinie de l'apaisement. Tenter de dire à voix basse. La pureté parfaite de la mort à l'œuvre. Le refus de la peur. Le hurlement pourtant soudain de la haine. Le cri. Notre panique et notre détresse d'enfant. Et se cacher la tête entre les mains. Et la lassitude des corps après le désir. Et la lassitude des corps après le désir. Et la fatigue après la souffrance. Et la fatigue après la souffrance. Et l'épuisement après la terreur. Et l'épuisement après la terreur. Rappelez-vous ce que sont les faits. Ce sont une certaine réalité dont consensuellement on convient qu'il y a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fait. Cela veut dire qu'il nous est impossible d'appréhender et de relater les faits sans les interpréter. Quand on dit « je jure de dire la vérité, toute la vérité », il est possible que nous disions des choses vraies, mais non la vérité, surtout pas toute la vérité. Même au sujet de ce qui s'est passé au cours des 5 dernières minutes dans le lieu où nous nous trouvons. On ne peut pas dire cette vérité parce qu'elle est infinie. Mais une chose est de ne pas dire la vérité dans sa complétude à son corps défendant, autre chose est de la travestir volontairement. On sait que la réalité court le risque de s'étioler sous forme de préjugés, sous forme de croyances. Elle y semble de plus en plus d'ailleurs. Le citoyen, cet héritier de la cité grecque, cède souvent la préséance, ce qu'il faut bien appeler la crédulité du citoyen consommateur. Expliquons cela. Le débat démocratique montre que la démocratie est tout à la fois un accord sur le désaccord et une patiente recherche de la médiation. Ce débat est, par définition, disent les juristes, caractérisé par une dilution des critères de certains ou de la certitude. Il a une propension à faire du tout se vaut une alternative au jugement, alors à l'argumentation documentée et démontrée. Chacun aurait le droit, en définitive, à sa propre vérité, que nous soyons des citoyens consommateurs crédules ou des citoyens qui s'estiment ou qui se prétendent éclairés. L'argument d'autorité l'emporte sur l'autorité de l'argument, le droit à la parole l'emporte sur l'intérêt de la parole. Alors si on se tourne cette fois vers la démocratie représentative, elle est, de cette manière, et parfois de plus en plus, remise en cause parce qu'elle trompe trop souvent dans la démagogie. Je vous rappelle que Platon était hostile à la démocratie parce qu'il jugeait les humains insuffisamment raisonnables pour fonder la République. Ils y voyaient la domination des opinions, ils y voyaient la domination des passions, avec pour délitement le pouvoir des démagogues, adroits dans l'art de séduire, exploitant les peurs, attisant les frustrations. En regard de ces considérations, comment nier que le discours politique peut se révéler être une reconstruction des faits et un maniement du mensonge? La vérité et les vérités de fait ont de longue date été contrariées et malmenées par la politique et les politiques. C'est pire en période de guerre. La guerre du Golfe contre Saddam Hussein a été déclenchée au nom d'armes de destruction massive, dont le doute sur leur existence est devenu par la suite une certitude de leur inexistence. Alors il est un poncif qui consiste à dire que la démocratie ne fait pas toujours bon ménage avec les vérités. Mais dire cela très insuffisant. Il est aussi des personnels politiques qui jouent les battleurs. Ils préfèrent les mots aux choses, les réactions aux actions. Leur rôle est trivialisé. Ils forment une démocratie d'apparent, une démocratie potemkine. Ce personnel politique-là est composé davantage de chefs de bande plutôt que de chefs d'orchestre. Et puis je pense que l'aptitude à accéder au pouvoir n'est plus celle nécessaire pour l'exercice. Alors ces disputes conjugales entre la vérité et la politique, que l'on vient en partie d'illustrer, alimentent le doute, vous le savez, sur les contrôles démocratiques des pouvoirs, nourrissent ce que l'on appelle une crise du politique. Expliquons cela de deux manières. D'une part, la crédulité du citoyen consommateur. approvisionne la méfiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de la médecine. Et elle nourrit en même temps la défiance vis-à-vis des politiciens, mais aussi de la science, une méfiance vis-à-vis de la rationalité. Cette crédulité révèle la fin du progrès. Elle révèle la fin du progrès, non pas tant dans ses réalisations, mais dans la manière dont nos pensées associent de moins en moins la science à l'émancipation, qu'elle soit individuelle ou collective. Et puis ensuite, la démocratie d'apparence amène le peuple juge à opérer une judiciarisation du politique au moyen d'une moralisation de la vie politique, moralisation partielle, octante, irraisonnable. Quelques fautes morales, mais pas illégales, deviennent des fautes politiques pour un lynchage médiatique. Cela a l'avantage, à tout le moins, de rappeler que la démocratie est indissociable d'une morale publique, indissociable d'un comportement civil. Qui m'a préparé à vivre dans cette inquiétude? Quelle école, quels professeurs m'ont enseigné l'art de vivre en suspension, sans origine ni destin? Qui m'a dit, tu verras, plus les images s'imprimeront en toi, plus elles rejailliront par bribes sans que tu t'en aperçoives? Les images vues, les séquences enregistrées, chaque chose recouverte du voile des fictions innombrables. Et la peur, toujours la peur et l'effroi des histoires importées. Se faire de nouvelles promesses, se promettre de ne plus recommencer, aller son chemin, ne pas écouter les conseillers attentifs, les conseillers pleins de sollicitude, se méfier de toutes les certitudes, continuer à avoir peur, être inquiet, ne jamais être sûr de rien, s'inquiéter du respect et se garder de la fausse insolence, haïr la parodie, se souvenir, ne jamais oublier de tricher, dire la vérité et ne plus s'en vanter, abandonner les voies rapides et suivre les traces incertaines. Parfois aussi, de temps à autre, s'arrêter, ne plus rien faire et ne pas même affirmer que ce fut pour réfléchir, prendre son temps, ricaner dans les moments inopportuns, sourire avec douceur, ne pas être jamais efficace, renoncer, lutter contre les médiocres, résister, éviter toujours ces mots-là, ces choses qu'on ne comprend jamais, le consensus, la conjoncture, les synergies. On a beau avoir fait des études, ces mots-là, on ne les comprend pas. Alors, on les laisse. Ne pas craindre l'affrontement. Ne pas craindre même, admettons, de provoquer l'affrontement. Chercher la bagarre, oui, des fois. Et même juste pour rire, s'en moquer. Garder en réserve, toujours, au milieu des défaites, la légère et nécessaire ironie de la victoire. Inversement aussi, j'allais dire. Souvenons-nous que nous pouvons tous être les défenseurs de la vérité, les promoteurs de la vérité. L'alerte est importante dans une démocratie. Elle est importante moins pour la sécurité et bien davantage pour la vérité. Le docteur Stockmann, l'ennemi du peuple selon Henrik Ibsen, là encore, qui sera représenté ici d'ici quelques semaines. Ce docteur Stockmann, donc cet ennemi du peuple, peut-il, comme tous les citoyens, suppléer, remplacer la puissance publique pour dénoncer, puis remédier au travers de la société, remédier au travers des entreprises, de la communauté? D'où la figure du lanceur d'alerte, aujourd'hui dans nos démocraties, du whistleblower, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Cette figure, lorsqu'elle est admise par le droit en vigueur, est démocratiquement satisfaisante, nous en avons peut-être tous l'intuition. Cette représentation du lanceur d'alerte apparaît dans le contexte social comme celle d'un héros de la démocratie, H-E-R-O-S, mais aussi un héros de l'éthique, H-E-R-A-U-T, en même temps qu'un paria des organisations. Il est celui qui dit la vérité et non sa vérité. Mais cette vérité comporte un risque pour celui qui l'énonce. Et là encore, Michel Foucault rapproche le lanceur d'alerte de la parésia grecque en usage sur l'agora. La parésia est, en deux mots, dit-il, le courage de la vérité chez celui qui parle et prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu'il pense. Et il ajoute, il faut que le sujet, en disant la vérité qu'il marque comme étant son opinion, sa pensée, sa croyance, prenne un certain risque, risque qui concerne la relation avec celui auquel il s'adresse. Le lanceur d'alerte va donc suppléer l'impuissance publique à éradiquer les compromissions avec les vérités factuelles, à éliminer les dissimulations des choses scandaleuses. Il va participer, il va essayer de signaler les travers des décideurs publics et privés, à révéler les risques sanitaires et environnementaux et bien d'autres choses. Encore faut-il qu'il soit protégé des représailles en tout genre à son endroit et que des moyens, des régimes juridiques lui donnent le sentiment d'être en sécurité. Sinon, l'autocensure sera le principe et la divulgation l'exception. À la question que lui pose le petit moine, « Et vous ne croyez pas que la vérité, si c'est la vérité, s'impose même sans nous ?» Le Galilée de Brecht lui répond, « Non, non, non. Seule s'impose la part de vérité que nous imposons. La victoire de la raison ne peut qu'être la victoire des êtres raisonnables. » En d'autres mots, je crois que ce Galilée cherche à construire, à partager la vérité ensemble au sein d'une communauté. Vous verrez, la césure est franche avec le docteur Stottmann, l'ennemi du peuple, qui veut, quant à lui, contempler la vérité dans un vis-à-vis privilégié, de manière isolée. Ibsen lui fait dire à la toute fin de la pièce, « Parce qu'il détient la vérité, le fait est, voyez-vous, que l'homme le plus fort du monde, c'est l'homme le plus seul. » Du point de vue du juriste, ses œuvres rappellent que le droit tel qu'il est enseigné dans ses facultés, est un lieu de questionnement sans fin, tout en étant un mode d'apprentissage de la formulation de questions de nature juridique. Bref, la découverte du droit ne consiste pas à voir dans la loi, avec un L majuscule, ne consiste pas à voir dans la loi une réponse, mais une source d'interrogation parfois inépuisable. Ainsi donc, le droit n'est pas que technique. Il donne une dimension normative, aux imaginaires d'une époque. Il formalise les images du moment, celles de notre avenir, rêvées. Il faut l'espérer. Alors le professeur de droit dira que les études de droit sont peut-être les seules études qui ne peuvent pas décevoir une jeune étudiante ou un jeune étudiant. N'étant pas porté à attendre autre chose qu'un souverain ennui, elle ou il ne s'expose qu'à l'heureuse découverte, à l'heureuse surprise d'y trouver de l'intérêt intellectuel. Évidemment, cela suppose un petit effort. À tout le moins, les études juridiques minimisent contre les vérités définitives assénées sur le droit, sur la justice, les vérités assénées sur la démocratie. D'admiration et d'impertinence est porté par le CACDN et les deux universités, l'Université d'Angers et l'Université catholique. Ah oui, c'est vrai que le plus fondateur, c'est pas facile. Hein. En tant que comédien. Et les deux universités, donc Université d'Angers et Université catholique de l'Ouest, avec un comité de pilotage dont certains membres sont présents dans la salle et je les remercie, qui pensent ce programme en lien ou non avec les spectacles du Quai. Je vous présente ce soir quand même les intervenants et Clément Pasco qui va nous rejoindre, je pense, pour pouvoir faire un petit jeu de questions-réponses. Si vous voulez rester, hein, vous êtes libre pour la rencontre. On va s'installer, peut-être d'ailleurs mettre des chaises, qu'on soit plus à l'aise. Je vous présente Anthony Taillefet, qui est professeur de droit public à l'Université d'Angers, notamment, et également à Sciences Po Paris. Je vous présente les élèves de cycle 3 du Conservatoire à rayonnement régional. Je vous présente Clémence Veillé, Pierre Berthet, Robin Nolo, Benjamin Da Silva, Oriane Palmeri et Emma Beauvalet, et donc qui ont été mis en scène par Clément Pasco, metteur en scène et comédien, que vous aurez l'occasion de retrouver également dans Prémisse, le temps fort jeune création qui a lieu début juin, en tant que comédien dans Le Point Cardinal et en tant que metteur en scène pour Nu Masculin Debout. Voilà. La Fabrique, je reviens un petit peu au cadre de La Fabrique, ça se veut être un programme de rencontres inédites qui croise paroles savantes, paroles universitaires et gestes artistiques, donc sous des formes, voilà Clément qui me rejoint, sous des formes variées. Cette année, elles sont au nombre de 3 et elles ont été confiées à 3 jeunes metteurs en scène de Prémisse, justement, donc Clément Pasco pour celle que vous venez de voir, qui s'appelait donc « Faut-il que la vérité existe ?». La prochaine sera confiée à Vanny Fio, « La réalité existe-t-elle » le 10 mars. Voilà, ce qui suit pas mal les questionnements soulevés par Anthony Taillefet notamment. Et la troisième et dernière de la saison, « Faut-il que le bonheur existe ?», qui sera confiée à Louise Aimeau. Donc à chaque fois, en croisement avec des universitaires et des savants. Voilà l'idée, l'ambition de ce projet. Là, l'idée, c'était... Mais on a l'air un peu... On n'est pas assez à l'aise. Là, l'idée, c'était de discuter un petit peu avec vous. Voilà, si vous avez des questions. Et, ben, je sais pas, on va être bien, vous allez bien. Moi, ça ne va pas, mais c'est pas terrible. Il y a 2 chaises, on a 2 chaises. Hein ? Alors, je sais pas, c'est peut-être pas évident de commencer un débat comme ça. On peut faire circuler des micros aussi avec vos livres. Non, peut-être, du coup, je ne sais pas si on a la réponse à la question « Faut-il que la vérité existe ?» Mais peut-être qu'on peut... Non, surtout pas. Fallait surtout pas. Mais peut-être, pour lancer un peu la rencontre... Donc, si j'ai bien compris... Si j'ai... En fait, la vraie question, ça aurait pu être « La vérité existe-t-elle ?» Et la réponse est non, et surtout pas. Il n'y a pas une seule vérité. Alors, l'idée... On essaie de faire passer ce soir, c'est que c'est toujours une construction, hein, la mise au jour de la vérité dans le cadre, dans tout un ensemble de cas, le procès, la vie de tous les jours, ce qu'on peut raconter à quelqu'un, et que chaque personne a une façon de voir les événements du monde qui feront que nous tous, on voit bien cette table qui est devant nous, mais si on quitte la salle et puis dans un quart d'heure j'interroge 4 ou 5 d'entre vous de quelle couleur était la nappe, je ne suis pas bien sûr que tout le monde dise « Ah, il y avait une nappe, de quelle couleur elle était ?» Autrement dit, à chaque fois on a un jeu de nos interprétations et de nos souvenirs, et nous en droit en particulier, on a construit des procédures, on a construit des régimes pour essayer eh bien, d'entamer un débat avant de dire à un moment ou à un autre eh bien voilà la vérité telle qu'elle va être transcrite soit dans un texte, soit dans une sentence, et tout cela a des conséquences très fortes parfois sur la vie des individus, et donc cette manière parfois assez longue, procédurière ou procédurale, je préfère procédurale, eh bien est absolument nécessaire pour qu'on élabore consensuellement eh bien, les faits, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord les faits pour qu'ensuite les juristes puissent intervenir pour procéder à ce qu'ils appellent les qualifications juridiques et trouver, au regard des textes en vigueur à une époque, des solutions, des décisions. La personne la plus qui a la situation la plus délicate pour nous juristes, c'est le juge qui a cette particularité, et là le professeur de droit est dans une situation très confortable, presque irresponsable d'ailleurs, c'est que quand on pose une question au juge, il y répond, et c'est extrêmement difficile de répondre aux questions qu'on lui adresse. Il doit répondre, ça met en jeu d'ailleurs sa responsabilité s'il ne le fait pas, et on sait que ça peut avoir des conséquences sur la vie de chacun. À cela s'ajoute que quand on construit un deuxième élément qui est important pour nous, c'est de comprendre non pas comment on met en œuvre une règle, et notamment une règle de droit. Il y a plein de normes ici. On a tous des normes de comportement, de civilité, d'urbanité, qui deviennent parfois des règles de droit, d'ailleurs de plus en plus des règles de droit. Serait-ce que pour dire bonjour, parfois on a besoin de mettre dans un règlement intérieur, dites bonjour quand vous arrivez quelque part. C'est dire que les juristes ils peuvent être envahissants, mais ce n'est pas eux qui sont envahissants en vérité. En vérité. Non, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi à un instant donné, on va retenir telle règle de comportement. Nous, juristes, on sait qu'il y a des grands interdits fondateurs de nos civilisations, l'interdit de l'inceste, l'interdit du crime, mais on n'a pas besoin de règles juridiques pour mettre ça en forme. J'allais dire, la vie en communauté, en société, suffit. En revanche, à un moment donné, lorsque les rapports humains se compliquent, s'additionnent, se multiplient, eh bien, on a recours au droit depuis des millénaires. Je pense au code d'Hammurabi, aux textes que l'on trouve dans la Chine ancienne ou encore dans les civilisations égyptiennes. Donc, on a toujours eu ce besoin, qui est aussi un besoin de pouvoir, puisque les techniques véhiculent toujours du pouvoir. Et ça aussi, c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi la règle ? Et quel pouvoir elle véhicule, quelle forme, quel mode de pouvoir. J'évoquais le droit nazi, est-ce du droit ? C'est une grande question à explorer. Mais en même temps, vous l'avez bien compris, c'est un pouvoir qui peut être terrifiant. Je le dis souvent à mes étudiants, ce droit-là, de cette époque-là, a donné bien plus de puissance au Troisième Reich que les tanks, les panzers ou les armées. Ça a tué évidemment beaucoup de monde en supprimant ce que j'expliquais, la personne juridique. Voilà. Donc la vérité doit-elle exister ? Alors, parfois, certains régimes disent qu'elle existe. Et évidemment, vous avez bien compris que si on la remet en cause, ça a des conséquences. Et là, c'est plus tellement le travail des juristes, hein, ça va intéresser les politistes, les sociologues, les philosophes. Voilà. Bonjour. Vous avez fait référence aussi à la vérité, enfin on va dire au droit, et à son rapport à la vérité en passant par la fiction, ce qui est assez intéressant puisqu'effectivement, en réalité, il y a tout un tas de concepts ou d'éléments de droit qui sont des fictions sur lesquelles on arrive à peu près tous à se mettre d'accord. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, quand même, dans le cadre, un cadre qui est le cadre démocratique, hein, vous évoquiez là, le droit nazi, dans lequel il y avait évidemment des fictions, mais là, on n'est pas du tout dans un cadre démocratique, on est dans un cadre qui est évidemment contestable, mais dans le cadre démocratique, par exemple, la notion de peuple, puisqu'on reprend cette existence, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'une des difficultés qu'on a, peut-être lié aussi à toutes ces fictions qu'on finit par se raconter, c'est qu'on n'arrive plus à tomber d'accord sur une fiction commune autour de ces notions. Et que ces fictions, de fait, ne sont donc plus efficientes. Et que, au fond, on ne souffre peut-être pas d'un déficit de sens, mais plutôt d'un excès qui finit par fabriquer des fictions qui ne sont plus compatibles les unes les autres. Et c'est notamment, enfin, pour moi, l'exemple en est vraiment les faits alternatifs ou la vérité alternative qui ne pose plus de problème en fait. C'est-à-dire qu'il existe une vérité alternative, ce qui par principe est impensable, enfin, c'est une contradiction dans les termes, mais c'est admis, ça finit par être admis. Et ça finit par déconstruire quand même les logiques mêmes de possibilités démocratiques en droit. Voilà, je sais pas ce que vous demandez. Non, je vous suis bien volontiers. Peut-être nous avons, alors je le dis avec beaucoup de précaution, il faudrait avoir un long moment pour développer cela, mais on est un peu gâté de cette manière. C'est-à-dire que ce que j'expliquais tout à l'heure, les fictions, les grandes fictions vérités, nous sommes tous égaux, le peuple, la souveraineté du peuple qui peut s'exprimer notamment dans un cadre démocratique, la fiction vérité de la République qui nous réunit, à partir du moment où on est en train de conquérir, de forger, de construire ces fictions-là pour organiser une société. Évidemment, d'abord, elle est organisée par des rapports de force et ensuite une culture que l'on construit. Et puis, les juristes, dans tout ça, essaient de stabiliser, pour peu qu'on leur demande, hein, je le dis au passage, essaient de stabiliser, de formaliser tout cela progressivement pour que chacun y trouve son compte et que chacun puisse s'assurer de la stabilité dans l'état, il y a statut, stabilité, faire tenir debout tout cela. Donc quand on est dans cette phase de conquête, évidemment, on parvient davantage à créer une unité, en tous les cas, une force de conviction qui peut-être s'étiole aujourd'hui, effectivement, et de sorte que vous avez évoqué cette fiction vérité, le peuple. Hein, le peuple, c'est un terme qu'on a laissé de côté pendant un temps, on l'entendait plus beaucoup, on parlait de société, de communauté. Et puis il nous revient par la fenêtre d'un langage politique important, on parle de populisme aujourd'hui notamment. Ce terme, on l'a laissé un peu de côté en partant de l'idée que, bon, ça y est, le peuple est représenté, le peuple va s'exprimer, le peuple s'exprime, puis à la fin on se dit, bon, on n'a même plus besoin de cette fiction-vérité-là. Et donc elle nous revient un peu comme un boomerang, et on doit, et c'est ce que nous essayons de faire, nous juristes, un revenir... D'abord, voir sa construction, d'où ça peut, quelle est sa généalogie, et je peux vous dire que ça remonte extrêmement loin à partir du moment où le terme « peuple » vient, lorsqu'on va passer de la théologie au droit canon, du droit canon à ce droit qui va être sécularisé. À un moment ou à un autre, on a besoin d'une certaine immanence, c'est-à-dire, comment dire, une autorité, une légitimité, on dirait en droit, qui garantisse que les règles que l'on met en œuvre, les règles qui expriment par exemple une démocratie soit, puissent être permettent à chacun d'obtenir un consensus pour leur mise en œuvre. Pendant longtemps on a eu Dieu, hein, le droit canon, bon, vous ne pouvez pas discuter, c'est par exemple l'Inquisition vient vous voir et puis elle va avoir un aveu, et votre aveu c'est Dieu qui parle par votre bouche, du coup vous dites la vérité alors même que vous avez été questionné, torturé, on vous a arraché je ne sais quoi, mais vous avez dit la vérité parce que c'est pas vous qui vous exprimez, l'aveu c'est quelque chose. Or, à partir du moment où on n'a plus cette transcendance, on va séculariser tout cela et on met en place à ce moment-là des procédures juridiques pour parvenir à la démonstration de la preuve et donc éventuellement à un aveu, mais un aveu qui n'a pas été extorqué. Et c'est tout cela que l'on appelle bah, la civilisation, c'est la raison pour laquelle besoin du droit. Vous dites aujourd'hui que tout cela s'étiole, oui. Elle ne s'étiole que pour peu qu'on la laisse s'étioler. Enfin, je veux dire, à un moment ou à un autre, il y a un comportement de tous pour essayer de remettre à jour, cette fois, et non pas au jour, toutes ces grandes fictions-vérités. C'est important parce que, en même temps, ces fictions-vérités du droit, on doit les interroger. Lorsqu'on dit, dans un contrat, les parties sont égales, égaux en droit, on sait tous qu'il y a des rapports de force derrière tout cela, et qu'on a besoin de la loi pour pouvoir guider les stipulations du contrat, parce qu'une loi qui ne rétablit pas l'équilibre bah, vide de sa substance cette fiction-vérité qu'est l'égalité en droit. Donc on a besoin de tout cela. Si on n'a pas cet apport-là, cet apport de la loi via des processus démocratiques, via des idéologies assez positives, évidemment, on a ce sentiment que vous évoquez que tout cela s'effiloche. Il y a d'autres questions, sinon elle... Oui. Bonsoir. En fait, la question, c'était par rapport au texte que vous avez lu, monsieur le professeur de droit, enseignant-chercheur. J'ai beaucoup apprécié quand vous parliez de, justement de choses qui s'effilochent, notamment les rêves qui permettent de faire des règles et donc des lois. Et il me semble que vous avez utilisé plusieurs fois ce mot rêve pour parler des lois. Donc je me demandais, c'était de qui cette partie? C'est de qui? Alors beaucoup d'auteurs le travaillent, mais en particulier, alors j'évoquais Alain Supiot, professeur de droit au Collège de France. Je vous invite à écouter ses conférences et ses leçons au Collège de France qui sont en podcast sur le site de France Culture. Vous verrez, c'est un vrai plaisir. Ça vous évitera le matin d'entendre les pubs à la radio. De comprendre un peu notre travail d'enseignant-chercheur en droit. On enseigne assez peu et on recherche beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est cette généalogie-là. Alors la question des rêves, qu'est-ce que c'est? Ça renvoie en réalité à ce que l'on attend de la politique, c'est-à-dire qu'à un moment, l'idée de nous dire, bien voilà, il y a d'autres mondes possibles, et si ces autres mondes possibles, vous faites cette proposition d'autres mondes possibles, nous, juristes, on est tout à fait capables de mettre en forme tout cela pour assurer à la fois la possibilité d'autres mondes possibles, et puis une fois qu'ils sont mis en place, leur stabilité. À partir du moment où on vous dit, force est de constater cette réalité, à partir du moment où on vous dit, oh, il est naturel que les choses soient ainsi. Je pense par exemple à toutes les formes économiques d'apprentissage, à toutes les formes économiques d'interprétation du monde. C'est comme ça, on va essayer d'améliorer ça. On est un peu les ingénieurs de notre démocratie. Or, on n'a pas besoin seulement d'ingénieurs de la démocratie, on a besoin d'architectes de notre démocratie, de notre être ensemble. Je préfère ce terme à vivre ensemble, être ensemble. C'est-à-dire que ça vous oblige à savoir qui est l'autre. C'est la raison pour laquelle j'explique souvent que ces architectes de la démocratie que l'on attend, qu'on aimerait avoir, on en a eu pendant la période des Lumières, à la Révolution française, tout au long du XIXe siècle, ces architectes de la démocratie doivent nous montrer ben voilà, la nouvelle étape dans le monde où on va arriver, quelle place on donne à la parole de chacun, comment peut-elle s'exprimer. Et je dis souvent que on doit passer de cette idée qu'on a dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en gros, je simplifie, c'est un peu l'idée que notre liberté s'arrête ou commence celle des autres. C'est terrifiant, il vaut mieux penser notre liberté se complète avec celle des autres. D'où l'attention qu'on peut avoir. Alors derrière tout ça, je pourrais monter, rédiger une constitution, par exemple, pour formaliser ça. Nous savons faire, et dans la Constitution, ce texte qui est placé au sommet de notre hiérarchie des normes, on a notre projet de société. Alors vous avez remarqué qu'on la modifie souvent actuellement, on a l'intention de la modifier souvent. C'est la raison pour laquelle on a sûrement notre projet de société qui est en cours d'évolution, mais ce projet, on le construira tous ensemble, en tous les cas, je l'espère. Donc c'est Monsieur Supiot qui fait... Supiot, S-U-P-I-O-T. Voilà, et je vous invite à lire ces ouvrages, notamment l'un d'entre eux qui est vraiment extraordinaire, que j'impose à mes étudiants de lire, qui s'appelle Homo Juridicus, essai sur la fonction anthropologique du droit. C'est aux éditions de poche, ça vaut 4-5 euros, lisez-le. Surtout la première phrase, passez-y un temps très très long à méditer. Je le lis et je le relis très souvent. Ça vous montrera ce que l'on fait quand on est professeur de droit. Vous avez les références Vous avez les références dans le document. De salle qui vous a été distribué, de tous les textes en fait qui ont été joués, lus, performés par les comédiens, et également deux ouvrages. Voilà. Il y en aurait bien d'autres. Celui-ci. On aurait pu en mettre d'autres, mais celui-ci, il me semble. Alors ça se lit très facilement. Je n'ai pas mis des textes qui nécessitent une bonne connaissance du langage du droit. Peut-être pour passer la parole aussi côté artistique, je ne sais pas si ça vous va, de parler de la forme et de savoir comment vous avez travaillé, Clément Pascoe, avec les étudiants. Et comment s'est fait le choix des textes, est-ce qu'il a... Oui, bonsoir à tous. Déjà, quand le CEM a proposé de travailler sur ce sujet-là, c'est pas un sujet qui m'est, on va dire, qui dans mon premier instinct de metteur en scène, en tout cas de jeune metteur en scène, était un sujet qui me, on va dire, sur lequel je m'étais posé une réflexion. Moi, dans mon travail, finalement, je travaille plutôt la question du désir, de l'amour. Donc souvent, pour que ça fasse des bonnes pièces, ça part souvent d'un mensonge. Voilà. Donc c'était compliqué de traiter la vérité, mais en même temps, c'était le défi. Et puis il y avait double défi, il y avait à la fois la travailler avec Anthony, avec un intellectuel, on peut le définir par cette définition-là, et puis ces jeunes étudiants du Conservatoire d'Angers. Voilà, et d'essayer de faire une forme avec tout ça où il y aurait la conférence et les textes. Voilà, donc sur le choix des textes, finalement, je suis plutôt parti sur des textes que je connaissais très bien et avec lesquels, finalement, j'ai regardé cette question comme on pourrait poser une hypothèse en philosophie. Voilà, la vérité existe-t-elle ? Bien sûr, j'ai essayé comme de trouver des textes qui étaient quand même en raccord. On va vous dire pour la traversée, bon, la première traversée où les acteurs font les textes du Divine Théâtre, là c'était plutôt une réflexion en général sur le théâtre, parce que finalement le théâtre, si on veut faire un gros cliché, on pourrait en parler des heures, mais c'est quand même l'art du mensonge, parce qu'on sait bien que tout ça n'est pas réalité et ne veut pas représenter la réalité, donc la vérité, parce que souvent réalité et vérité sont reliées. Donc je trouvais ça intéressant de poser la question du théâtre à la base. Ensuite, sur le texte de ce jeune colonel austro-hongrois, là, c'était plutôt pour montrer que finalement, souvent dans vérité, on voit quelqu'un de juste, alors que finalement, des fois, il y a des situations où le mensonge devient protection. Et je pense qu'on est aussi dans une société en ce moment, où peut-être à une certaine époque, le mensonge pouvait être... on est dans une société quand même de l'affirmation, beaucoup. Il faut s'affirmer, dire qui on est, dire la personne vraie qu'on est, dévoiler son intimité la plus complète. Et je trouvais ça aussi beau de reparler aussi d'une époque où le mensonge servait protection, parce que le moment où il était révélé, cette fameuse vérité intime, donc vis-à-vis de son homosexualité et de ses origines, on voit bien que ça amène à la mort. Donc la vérité peut aussi amener à la mort. Sur la métaphore autour de Blanche-Neige, c'est plutôt une métaphore concernant les contes. Dans la littérature, c'était plutôt, on va dire, un pendant littéraire sur le fait que les contes, normalement, ont cette vertu de nous donner une forme de vérité qui est souvent reliée à une forme de morale. Voilà, et aussi croire. Voilà. Ensuite, après, on a fait quoi ? Oui, après, on est parti sur du luxe et de l'impuissance de Lagarce, avec donc toute cette arrivée autour d'Anthony. Là, je trouvais plutôt intéressant de poser la réflexion aussi face à. Au monde, à sa rapidité, au fait que c'est compliqué aussi de pouvoir être quelqu'un de vrai dans notre société où, comme je dis, il faut toujours s'affirmer, toujours dire qui on est. Voilà. Et aussi mettre... en tout cas, être plus dans la question que dans l'affirmation. Je voudrais bien ajouter quelque chose. Parce que... à la fois pendant les répétitions et ce soir, j'étais dans une situation d'inconfort assez forte, puisque c'est quand même extrêmement nouveau, évidemment, de cette posture. Le professeur dans l'amphithéâtre est dans une situation bien plus confortable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais vous dire mon admiration, d'abord pour Clément, parce qu'il a fallu que tous les deux, on arrive à bien se comprendre pour pouvoir à la fois, moi... choisir dans ce que je voulais dire chose qui correspondait aussi à une vision notamment théâtrale et réciproquement qu'ils comprennent ce que je dis, alors ce qui n'est pas forcément évident. J'ajouterais aussi ma très très grande admiration pour les acteurs qui sont ici pour au moins deux raisons. La première, c'est le travail que ça représente. Je n'imaginais pas, je n'avais même pas soupçonné que ça demandait autant de travail de préparer leur représentation remarquable de ce soir. Et puis le deuxième chose qui nourrit ma très grande admiration, c'est que ils ont dû faire l'effort de comprendre ce que je racontais pour pouvoir aussi comprendre eux-mêmes leur texte et le lien avec moi, ce qui n'était pas si simple que ça. Voilà, et donc vraiment j'ai une très grande admiration pour tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait, et vous, je voulais le dire ce soir devant vous tous. Merci. Peut-être, là, je ne veux pas. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si, super. Bonsoir. Peut-on dire que les lanceurs d'alerte sont des lanceurs de vérité? Et si oui, comment est-ce qu'ils ont le droit pour eux Alors ça, c'est le sujet qui m'occupe des semaines entières, pour des raisons qui tiennent à ce que je dirige un programme de recherche européen avec une collègue de Turin sur cette question. C'est une excellente question. On a tous, et je le disais tout à l'heure, l'intuition que nous avons besoin des lanceurs d'alerte à un moment ou à un autre pour mettre au jour des événements, j'allais dire indésirables. Je suis d'une modestie extraordinaire ce soir, je suis plus vif habituellement. Ça, c'est le premier point. Et c'est là où je voulais vous répondre directement. La difficulté aujourd'hui, c'est que les régimes juridiques dans l'Union européenne, et en particulier une directive qui a été adoptée en avril 2019, donne une définition juridique du lanceur d'alerte. Alors là, les juristes, quand on les interroge, ils doivent répondre, je simplifie, à deux types d'objectifs. Le premier, c'est permettre qu'on lance une alerte, parce que si on veut étouffer l'alerte, on sait très bien faire, hein, c'est très compliqué. Et dans le même temps, protéger l'institution au sein de laquelle ils peuvent exercer leur mission. Par exemple, si on parle d'un lanceur d'alerte en milieu professionnel, dans une administration ou dans une entreprise. C'est la raison pour laquelle a été mis au point un régime juridique qui est présenté comme permettant de les protéger lorsqu'ils vont lancer une alerte. Donc c'est la protection. Sauf que pour bénéficier de cette protection, lorsqu'ils ont quelque chose d'important à dire, ils doivent respecter une procédure qui fait qu'ils doivent, un, avertir leur hiérarchie. Alors, si c'est... Non, on a un problème. Deux, éventuellement, si la hiérarchie aura l'obligation de nommer un référent alerte. Il y a des référents partout, maintenant. Donc, on va... Mais qui nomme le référent? Bon, bref, on a un problème. Deuxième étape. Si la hiérarchie ne répond pas, fait le dos rond, ne dit rien, etc., eh bien, il va pouvoir aller, éventuellement... devant d'autres institutions, je pense aux défenseurs des droits, là où on est la semaine prochaine pour parler de ces questions. Bon, il va le devant. Et puis, si à la fin personne ne bouge, il va pouvoir dire, je vais le dire à la presse, et à ce moment-là, il bénéficiera quand même de la protection juridique. Enfin, on voit bien qu'il va aller directement devant la presse, de sorte qu'il n'aura pas la protection, et donc de sorte que juridiquement, il ne sera pas lanceur d'alerte. C'est quand même une aporie assez extraordinaire. Donc c'est un peu ça, notre travail de recherche, c'est pour démontrer ce que l'on appelle en droit des apories, c'est-à-dire des choses où le terme du début de la phrase est l'inverse de la fin de la phrase, donc à la fin, c'est des phrases qui en droit n'ont aucun sens, alors on sait faire, des phrases juridiques qui n'ont aucun sens, mais là tout de même, c'est assez, ça mérite d'être travaillé. Donc au niveau européen, alors dans un pays comme le nôtre, on a quelques avancées, les lois Sapin 1, Sapin 2, j'étais en Roumanie il y a 3 semaines. On a de plus gros besoins pour la protection des lanceurs d'alerte, sans que l'on fasse d'ailleurs preuve, nous en France, de condescendance vis-à-vis des anciens pays du bloc de l'Est. J'aurais plein d'exemples à vous donner d'une manière qui permet d'étouffer l'alerte. Donc si je vous suis, s'il y a toutes ces apories, peut-on dire que les pouvoirs, c'est très très large, n'ont pas intérêt à ce que la vérité existe, s'ils ne l'ont pas, s'ils l'étouffent à ce point? L'intérêt, je ne sais pas très bien si parfois les pouvoirs dont vous parlez saisissent bien l'intérêt. C'est-à-dire que le problème est encore plus grave. C'est-à-dire que dans nos sociétés démocratiques, c'est ce qui les entretient, comme on entretient un foyer, dire la vérité, dénoncer des travers scandaleux, ça nourrit le fonctionnement de la démocratie. Donc quand vous dites est-ce qu'ils ont intérêt à ne pas le dire, pire c'est que je ne suis pas bien sûr qu'ils comprennent toujours l'intérêt. Alors il ne faut pas généraliser, j'ai des exemples extraordinaires. Il y a la maison des lanceurs d'alerte à Paris où il y a des gens qui travaillent là, qui reçoivent tout un ensemble d'informations assez extraordinaires et qui sont mises au jour, et parfois c'est la presse, c'est le défenseur des droits, le procureur de la République qui intervient. Et dans le même temps, c'est l'argument qu'on met en évidence, on dit mais tout le monde va dénoncer quelque chose, et effectivement, il y a plein de gens qui viennent dénoncer, font des choses assez extravagantes, j'ai plein d'exemples, de l'extravagance, et à un moment ou à un autre, effectivement, c'est ce sur quoi j'insistais dans mon propos. Quand on lance l'alerte, on dit la vérité et en même temps on prend un risque. C'est très simple de dénoncer de façon anonyme hein, et de ne prendre aucun risque. Et là, du coup, on retrouve toute une ambiance des années 40 qu'on essaie d'éradiquer. Donc, cette idée de risque, en plus, c'est ça, l'idée. Et l'objectif pour nous, et on est en train de penser ce droit, hein, des lanceurs de protection des lanceurs d'alerte, c'est l'idée qu'il faut qu'on leur assure cette protection tout en évitant l'autocensure. Comment on fait ? C'est pas simple. Hein. Pas très simple, tout en permettant aux institutions de continuer à fonctionner, parce qu'à la fin, si on a tous le pied sur le frein, évidemment, il ne se passera plus rien. Et ça, c'est le meilleur moyen qu'il n'y ait pas d'alerte. Encore que, je ne suis pas sûr, l'inertie, ça, on devrait alerter en cas d'inertie. Donc, c'est un peu le sujet aujourd'hui. C'est pas très simple, hein, parce que c'est assez nouveau. Pendant longtemps, le secret, c'est le mode de fonctionnement des institutions, sauf le secret qu'on vous autorise à révéler. Voilà. Mais il y aurait encore beaucoup d'éléments à mettre en évidence. J'ai croisé des lanceurs d'alerte, chacun connaît, peu importe. C'est vraiment un très très grand courage, parce qu'à partir du moment où ils ont bénéficié de cette protection, c'est bien plus tôt qu'ils en auraient eu besoin. Donc, ils ont vécu des moments extrêmement difficiles. Certains même sont encore au chômage. Enfin, j'ai deux dames en tête ici que je devrais rencontrer à nouveau la semaine prochaine. Ces dames, elles ont fait leur devoir démocratique. Pour autant, je ne sais pas ce qu'on a fait à la démocratie. Elles sont au chômage et au RSA. Elles n'ont plus d'emploi. À cause de leur alerte. Oui, parce qu'elles ont lancé leur alerte dans un secteur professionnel. Elles sont spécialisées dans un secteur professionnel. Et avant d'être réemployées, alors je ne vais pas faire du Zola contemporain, mais... Ça existe, hein, et c'est assez fort. Donc nous, juristes, notre mission, elle est terrible. C'est de dire on doit proposer des régimes qui permettent à la fois de concilier le fonctionnement, mais en même temps de protéger celui qui met en évidence une vérité dissimulée, tout en sachant qu'il a pris un risque. C'est pas très simple, je peux vous l'assurer. Est-ce que vous pensez que la vérité, dans un sens général et objectif, vient s'opposer à la notion de sensibilité ? Alors, la vérité... Ça s'adresse à vous et aux 8 qui sont sur le plateau. Sur l'objectivité. Enfin, de quoi ? Ça dépend de quel sujet on traite, bien sûr. Ça dépend si c'est un sujet... si c'est l'amour, non, ça, c'est pas possible. Mais c'est toujours le sensible. Mais non, j'ai vraiment pas de réponse sur ça. Quand on a commencé à réfléchir, Clément, sur cette fabrique, on s'est posé cette question. Oui, c'est vrai, c'était la première question. C'était une de nos premières questions. On s'est demandé comment est-ce qu'une vérité... menée par le désir ou par l'amour pouvait être une vérité. D'abord, de toute façon, tout ce qui est de l'ordre, du sensible, ou qu'on peut dire de l'instinctif, c'est finalement une forme de vérité première sur une situation en tout cas. Mais après, voilà, une vérité, elle se construit aussi intellectuellement. Ça veut dire, on peut avoir une, on voit bien les grands personnages de tragédie, que ce soit Phèdre, voilà, qui a cet amour pour Hippolyte. En secret, qu'elle a cet instinct d'aller vers lui, oui, elle a une vérité sur son propre désir, elle le connaît en tout cas, par exemple. J'ai une question sur comment vous traitez en droit le second degré au théâtre. Enfin, je pense particulièrement à un artiste Dieudonné, et comment sont traités par exemple les actes qui sont jugés diffamatoires devant la loi. Alors, dans votre question, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la question assez technique que nous on appelle le droit de la police. Alors la police, c'est plus compliqué que uniquement la police judiciaire, on appelle ça la police administrative, c'est-à-dire que on ne va pas interdire, alors, sous réserve de prononcer un certain nombre de mots qui aujourd'hui deviennent des délits, racistes. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que partir on demande au droit de saisir des sentiments ou certaines expressions, c'est toujours un peu difficile. Bon, je reviens au sujet. Il y a le premier niveau, qui est de dire, ben voilà, c'est pas le spectacle de Monsieur Dieudonné qu'on va interdire, ou bien alors on va l'interdire parce qu'il risque de provoquer des troubles à l'ordre public, par exemple à l'extérieur du théâtre, parce qu'il y a des manifestations qui vont l'empêcher d'assurer sa représentation, que ça peut provoquer des violences entre eux, et donc c'est par ce biais que le préfet, notamment, va pouvoir interdire le spectacle, encore une fois, sauf à mettre en évidence en public un certain nombre de propos sur le négationnisme, par exemple, pour ne prendre que cet exemple. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est plutôt un peu plus méta-juridique, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut vraiment demander au droit de, comment dire, trier la parole ? Ouais, on va dire ça comme ça. Il ne faut surtout pas demander ça au droit et aux juristes. Je dis ça parce que je parlais de Carl Schmitt tout à l'heure, qui est un penseur aussi du droit, qui a beaucoup écrit sur le droit et qui a été très influencé et a beaucoup influencé le gouvernement allemand à partir des années 30. À ce moment-là, vous décidez, vous inscrivez dans le marbre ce qui peut être dit et ne peut pas être dit. Et donc à la fin, on ne dit plus rien. J'ai beaucoup étudié le droit soviétique. Quand vous regardez ce droit, il est très passionnant pour un juriste, parce qu'il y a d'abord le droit dans les textes, où on va avoir un niveau d'élaboration juridique, je peux vous l'assurer, croyez-moi sur parole, extrêmement important, élaboré, qui met en œuvre les théories juridiques. Enfin, pour nous, c'est un laboratoire de travail extraordinaire. Sauf que ce droit, il n'est pas destiné à être mis en œuvre. C'est un droit Potemkin, j'utilisais l'expression tout à l'heure, si vous voulez. Ce qui compte ensuite, c'est qu'à côté, il y a d'autres institutions qui, elles, ne sont pas soumises au droit, peuvent modifier le droit, ben, c'est le parti. Le parti n'est pas dans l'état de droit. Du coup, il n'y a pas d'état de droit. Dès l'instant où vous avez quelqu'un à côté qui n'est pas soumis au droit, qui est exposé, tout le monde y est soumis, sauf eux. Et vous savez que parmi ces gens, on peut avoir des gens absolument abominables. Donc c'est toujours le même montage. Donc c'est toujours ce sujet-là. Alors on a introduit dans notre droit un certain nombre de propos qu'on ne peut pas prononcer. Je parlais du négationnisme, ça c'est des propos généraux. Puis il y a évidemment des propos insultants vis-à-vis d'une personne, c'est-à-dire l'accuser de je ne sais quoi, l'insulter en public, etc. Mais là, c'est autre chose. C'est une défense dans des rapports interindividuels. C'est normal qu'on ait la règle de droit pour pacifier les relations. Si vous avez frappé votre voisin parce que ses pommes tombent dans votre jardin, c'est du vécu, hein, dans le tribunal. Là, on a besoin du droit, mais je veux dire, on n'a même pas besoin du préfet. On va régler ça et la police va intervenir. En revanche, plus difficile est cette question... qu'est-ce qu'on peut dire en public ? Qu'est-ce qu'on peut nier ? Et est-ce qu'on doit dire liberté de parole à ceux qui vous la refuseraient s'ils étaient au pouvoir ? C'est un vrai sujet. C'est déjà ce qu'on se posait, hein. Desroulettes, pendant la Troisième République, disait ça. Hein. Vous devez m'accorder la liberté que moi, je vous refuserais si j'étais à votre place. Oui, c'est ça, tant mieux qu'on puisse faire ça. Voilà. Bonsoir. Moi, j'avais une question concernant la justice climatique. Quel est votre point de vue en tant que professeur de droit et juriste quand on sait que, par exemple, aux Pays-Bas, il y a un procès qui a été monté par des citoyens et qui a forcé l'État hollandais à prendre, à prendre des actions en faveur de l'environnement. Là encore, votre question, il y en a plusieurs questions dans votre question. Premier niveau de question, j'allais dire très très supranational. On a une difficulté aujourd'hui au niveau international, c'est qu'on ne sait pas réprimer les crimes environnementaux. J'ai une de mes étudiantes en thèse qui travaille cette question. Pourquoi je dis cela? Parce que le nuage de Tchernobyl, il ne s'est pas arrêté à la frontière, hein, on le dit toujours. Et donc on voit bien qu'il faut un droit international pour saisir ces difficultés-là. Le tsunami qui va ravager la centrale nucléaire au Japon, on se concentre sur le Japon, mais ça nous concerne tous, puisque, évidemment, toutes les eaux radioactives sont aujourd'hui dans la mer, et on a besoin d'un droit de la mer qui pense cela, et qu'on puisse organiser les responsabilités, une mobilisation internationale, pour pouvoir remédier à ce type de catastrophe. Donc ça, c'est le premier niveau. On a très peu de choses là-dessus, hein, quasiment rien. On arrive à lutter, par exemple, contre la destruction de la faune sauvage en Afrique, mais avec une énergie folle et en réalité avec peu de textes qui autorisent ce que l'on appelle ici ou là, mais je ne suis pas un spécialiste de ces questions, pas du tout, je ne fais pas de droit international de ce type. Et puis il y a un deuxième sujet qui est là pour le coup en droit interne, c'est-à-dire dans chaque nation, où les citoyens se disent, voilà, on a développé des moyens juridiques pour défendre les consommateurs. Ça s'appelle par exemple les actions de groupe. Ah, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, on pourrait utiliser ça pour, évidemment, mettre en cause la responsabilité des gouvernements successifs qui ont laissé faire des dégradations, n'ont pas adopté des normes qui auraient permis d'éviter telle ou telle situation que nous connaissons aujourd'hui. Je rappelle au passage quand même que nous avons voté pour ces gens, je le dis au passage. Hein. Donc à un moment ou à un autre, les citoyens doivent aussi s'interroger sur cette manière de faire. Et donc, aux États, vous l'avez vu, on l'a fait en France aussi. À mon avis, ça devrait moins prospérer en France qu'aux Pays-Bas, parce que chaque pays a son régime juridique. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir dans ce cas? Deux choses qui me semblent largement insuffisantes. La première, c'est la responsabilité, pas seulement collective, j'espère, des gouvernants successifs. Parce qu'à un moment ou à un autre, l'État, il a un nom. Ce n'est pas une abstraction absolue. Au sein de cette machine étatique, il y a des gens qui décident. Ils ont un nom à un moment donné. Donc ça, c'est la première démarche. Identifier. Deuxième démarche, c'est de se dire, une fois qu'on a engagé la responsabilité et on a identifié, qu'est-ce qu'on fait? On indemnise. Mais on indemnise qui? Et indemniser des gens qui sont intoxiqués à vie, ça les aide évidemment à supporter les difficultés qu'ils connaissent, peut-être à supporter, non, je ne suis pas sûr, je ne suis pas d'autre mot, je fatigue, la disparition d'un proche. Mais voilà, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche en réalité, en tous les cas je l'espère, à obliger à trouver des remédiations et à éviter que ça se reproduise. Sauf que ce que l'on réclame là, on peut l'obtenir aussi d'autres manières, pas seulement en allant devant un tribunal, on peut aussi l'obtenir en votant, ça dépend de ce qu'on vous propose, on peut l'obtenir en se mobilisant soi-même sur un certain nombre de postures individuelles, ne pas acheter tel ou tel type de produit, ne pas accepter que certaines personnes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, enfin... On a aussi des leviers individuels qui sont largement insuffisants, je vous l'accorde. Donc voilà un peu où on en est. Ces instruments juridiques-là, je crains, si on les multiplie, qu'ils permettent ainsi que les choses suivent son bonhomme de chemin, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de remédiation suffisamment rapide. La justice est lente, et c'est normal, je vais essayer de l'expliquer. Mettre au jour les faits existants, établir les responsabilités, il faut que ça prenne du temps. Toujours se méfier de la rapidité. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la pérennisation de l'état d'urgence, des choses comme ça. Il y aurait beaucoup de choses à indiquer, mais voilà ce que je voulais dire sur ces procès-là. Peut-être que leur relais médiatique est plus important que le résultat qu'on va en obtenir, malheureusement. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Juste peut-être dire deux, trois petites choses, qu'en plus ça résonne vraiment avec ce dernier échange, que Stockmann c'est quand même le lanceur d'alerte sur une vérité écologique, hein, dans Un ennemi du peuple, donc qui a été cité plusieurs fois dans la conférence. Donc c'est en janvier seront présentés les deux spectacles, La vie de Galilée et Un ennemi du peuple. Ce sont des lanceurs d'alerte. Sur les lanceurs d'alerte notamment. Et vous dire aussi sur comment une vérité perturbe l'ordre établi. Et vous dire aussi que vous retrouverez les étudiants de ce soir du conservatoire qui sont aussi dirigés, j'ai oublié de le remercier, par Stanislas Stauffendorf, et voilà, que je remercie vivement ici. Vous pouvez les retrouver dans les deux prochaines fabriques et également fin juin, ici, dans cette salle, pour leur présentation de fin d'année. Vous y êtes conviés. Bonne soirée à tous.